Merci, chère madame, d'avoir remis la question de la nature au centre de la question du réchauffement climatique. Il est vrai qu'en droit de l'environnement, on s'est beaucoup intéressé pendant une trentaine d'années au droit contre les pollutions. Le droit du réchauffement climatique, ça ressemble un peu à ça, c'est au droit contre les pollutions. Et puis, effectivement, au moment de l'accord de Paris, on a vu arriver l'ouvrage de Guillaume Saint-Denis, qui était longtemps directeur de la protection de la nature au ministère de l'Environnement. Il dit « Attention, ne vous trompez pas, n'oubliez pas la protection de la biodiversité ». Alors évidemment, l'un et l'autre ne sont pas antinomiques. Et pour vous en convaincre, je me ferai simplement une référence à un mot d'esprit de Brillat-Savarin, auquel on demandait « Que préférez-vous, le Bordeaux, le Bourgogne ?» Brillat-Savarin était un grand gastronome, comme vous le savez, magistrat à la Cour de cassation, ce qui lui donnait quelques loisirs. Il avait répondu de la façon suivante. « Dans le procès qui oppose le Bordeaux au Bourgogne, je me complais à compulser les pièces du dossier et à différer ma décision. » Donc, dans ces conditions de pré-euphorie, n'est-ce pas, nous allons pouvoir travailler sur la question de l'émergence de la responsabilité des États dans le réchauffement climatique. C'est un sujet qui me passionne depuis longtemps. Et nous allons écouter avec plaisir successivement Christelle Cornil d'abord et ensuite Sabine Lavorel, puisque vous avez conclu votre marché de cette façon dans la prise de parole. Vous avez la parole. Donc, vous avez droit, vous, à 20 minutes au total, n'est-ce pas? 15 et 15, eh bien nous allons faire un marché, nous allons accepter. Négocie, si. Très bien, ben, ça nous amène à 12h10 à peu près, hein, voilà. Mais c'est pas 12h15. Je plaisante. Allez-y, je vous en prie. Comme vous voulez. Le sujet est passionnant. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous parliez du tribunal de Monsanto, et c'est intéressant que vous fassiez ce lien, puisque nos collègues anglais, la doctrine anglaise, organise en octobre ou novembre le prochain tribunal d'opinion sur les droits de l'homme et le gaz de schiste. Pourquoi pas une mission du réseau sur le prochain tribunal de Paris, tribunal d'opinion sur la justice climatique. Voilà un bon projet pour dans un an ou dans deux ans. Il y a quand même pas mal de personnes ressources ici qui pourraient organiser ça. Alors, je vais effectivement vous parler de l'émergence de la responsabilité climatique des États sous l'angle des droits fondamentaux. Je voudrais d'abord revenir sur un contexte particulier qui a été rappelé par Martin tout à l'heure. Je pourrais dire que depuis, en gros, Copenhague, on a vu monter des aspirations très nettes, des attentes aussi sur le volet de la justice climatique, des attentes en termes de lutte contre les inégalités climatiques. Et face à ces attentes, des besoins de responsabilité se sont développés à l'égard de plusieurs finalement acteurs, les États et les entreprises. On a les éthiciens de l'environnement qui ont aussi réfléchi à une approche éthique finalement des enjeux climatiques avec l'entrée par les droits de l'homme. Le répertoire d'action de la société civile, ça a été rappelé tout à l'heure, s'est emparé de ses droits fondamentaux, de ses droits de l'homme, pour apporter une touche supplémentaire, nouvelle, un nouveau souffle en tout cas, dans la gouvernance climatique. Alors, on constate deux phénomènes au niveau international, dans le régime international des droits de l'homme, par le biais de son représentant rapporteur spécial Knox, mais également les autres rapporteurs spéciaux, une sorte de climatisation des droits de l'homme. Et vice-versa, dans le régime international de la CNUC, on a vu, porté par les peuples autochtones, par la société civile, par certains États-nations, par l'entrée des migrations climatiques, on a vu l'humanisation du régime climat. Donc, dans ce contexte, ce qui m'intéressait de regarder, c'est finalement, au-delà de cette approche, j'appellerais ça plutôt macro ou top, c'était l'approche micro, celle du local, et comment l'acteur, le juge national, finalement, reçoit aussi cet argumentaire droit de l'homme dans ces litiges. Alors, il s'est développé depuis maintenant presque une dizaine d'années une énorme base de données, qui est un énorme travail finalement du Sabine Center de l'Université Columbia, qui a compilé, je pense que c'est peut-être pas quasi exhaustif, mais pas loin, l'ensemble des décisions qui abordent les questions de climat, de près ou de loin, et notamment sur le volet national. Il y a donc deux grandes colonnes, on va dire, de grands espaces dans cette base de données, les décisions américaines et les décisions non américaines. Et cette base de données est intéressante parce qu'elle elle est structurée aussi par le répertoire d'action, la mobilisation de certains droits, et il y a une entrée, effectivement, droit de l'homme, qui est intéressante et qui contient 11 cas. Donc, je suis partie sur ces 11 cas répertoriés essentiellement hors des États-Unis, mais il y a bien sûr d'autres espèces nationales qui ont mobilisé un répertoire d'action lié aux droits fondamentaux, aux droits de l'homme, et qui sont amenées comme ça un petit peu de façon transversale. Alors, la méthodologie de ce travail, d'abord c'est un travail mené dans le cadre du programme GIP Justice sur les dynamiques du contentieux climatique porté par Martha. Et l'objectif, c'est de travailler intentionnellement sur une sélection de procès emblématiques et d'aller mettre les lunettes des droits de l'homme et voir un petit peu comment ces droits de l'homme d'abord sont mobilisés, ces droits fondamentaux, donc droit international, droits de l'homme, CEDH, mais aussi les obligations constitutionnelles. Comment ils rentrent dans ce contentieux climatique, quel rôle jouent ces droits fondamentaux dans ce contentieux. Et puisqu'on est dans cette table sur l'idée de repenser le droit, finalement, est-ce que ces arguments droits de l'homme permettent de repenser le droit ou permettent d'appuyer un certain nombre d'obligations étatiques, d'adopter une lecture climatique, je dirais, des obligations étatiques. Alors, si on fait une typologie de ce contentieux simplifié, hein, c'est une proposition simplement, c'est le début d'un travail. On peut dire, alors je zoomerai bien évidemment que sur le contentieux qui engage la responsabilité de l'État, je précise, hein, donc sur les obligations étatiques, donc j'exclus tout l'autre point très important également de la responsabilité des entreprises. Et je relève quatre demandes finalement contre l'État, des demandes d'annulation d'une décision que l'État accepte, par exemple un permis d'exploration de pétrole pour le cas norvégien, ça peut être aussi l'extension d'une piste d'aéroport comme le cas autrichien, ou la pétition pakistanaise en cours sur un projet hydroélectrique. Ensuite, il y a des contentieux qui portent sur la mise en œuvre par l'État de mesures d'adaptation et aussi un petit peu d'adaptation. Finalement, la politique climatique est-elle à la hauteur des objectifs de l'État? C'est Urgenda, bien sûr, c'est le recours suisse, le recours belge qui porte ces aspects-là. Le futur recours de notre affaire à tous sur la carence fautive, le recours pakistanais. Et j'ajouterai deux autres catégories qui sont plus indirectes, celles de la demande de reconnaissance des effets des changements climatiques sur les hommes, avec le prisme d'un État plus responsable. Je pense bien sûr à la pétition Inuit 1, mais aussi à la pétition sur les Black Carbon. Et enfin, une dernière catégorie qui est encore plus éloignée, mais qui me semble tout à fait importante en termes d'obligation de l'État, chère, celle de l'obligation d'accueil ou de non-refoulement des personnes déplacées, avec la demande de statut de réfugié et ou la demande de visa avec l'affaire sur Tuvalu. Voilà, en gros, si on fait une typologie de ces recours, ce qu'on peut y trouver, c'est d'abord peut-être l'incarnation de ces recours, les profils des demandeurs, qui semblent aussi tout à fait intéressants au regard de ce qui a été dit tout à l'heure. D'abord, c'est vrai que c'est souvent la société civile qui porte ce contentieux. Société civile, souvent aidée par des intellectuels dans des think tanks, des universitaires, des centres de droit internationaux, etc. Donc il y a une collaboration tout à fait intéressante entre effectivement les académiques et la société civile. Et il y a également les individus ou les groupes d'individus sont incarnés par la catégorie finalement des vulnérables, qu'on connaît bien sur les droits de l'homme, mais aussi dans les changements climatiques maintenant, par le biais donc de la pétition, du recours sur les enfants, groupe d'enfants avec le contentieux américain, la pétition d'une enfant au Pakistan, les agriculteurs, citoyens, les grands-mères en Suisse, les peuples autochtones, les déplacés, les maires aux États-Unis et l'étudiante en Nouvelle-Zélande. Alors, pour aller très vite dans mes démonstrations, je vais essayer de montrer que finalement cet argumentaire droits fondamentaux construit des obligations, permet de repenser les obligations étatiques. Et que concrètement, la place de ces droits de l'homme dans l'issue des procès est assez émergent encore. Il y a des résistances, des avancées et des potentialités, bien sûr, avec les recours qui sont pendants. Alors, sur la première idée, d'abord, je montrerai qu'il y a finalement une réinterprétation des droits pour construire une sorte d'obligation climatique des États, et que ces droits fondamentaux concourent à appuyer ces obligations climatiques. Et ensuite, je zoomerai particulièrement sur cette lecture climatique que l'on trouve dans des recours des obligations constitutionnelles, qui viennent aujourd'hui quand même appuyer très clairement les obligations et les devoirs de l'État au regard du citoyen notamment. Alors, sur la relecture, le cas d'Urgenta est intéressant à ce titre, puisque c'est finalement une construction originale d'une obligation de protéger. Et quand on regarde la construction, on est bien sur une invocation d'interprétation, où le juge va utiliser un mix de fondements, un argumentaire très sophistiqué, qui a été quand même largement porté par l'association et construit par des experts, des avocats, un avocat qui avait pas mal réfléchi sur la question, en utilisant des normes plurisystémiques finalement, de l'interne, de l'européen, de l'international, comme ça a été rappelé aussi, en mélangeant le droit mou, le droit dur, en recourant aux déclarations, aux rapports d'expertise, des normes écrites, des normes non écrites, en citant la doctrine civiliste, les principes généraux du droit, et bien sûr les textes écrits. Et on voit très clairement l'approche pluridisciplinaire. Toutes les branches du droit cardinal qu'on peut attendre sur ce type de projet sont mobilisées. Le civil, le constitutionnel, puisque l'article 21 est mobilisé. Et en termes de droits fondamentaux, on retrouve le droit de la CEDH. Alors, si on s'en tient cette fois-ci à l'argumentaire porté par l'association Matstak en Belgique, on est là encore sur une argumentation essentiellement CEDH, et on va voir que cet argumentaire est couplé à d'autres obligations constitutionnelles, et ces obligations vont se compléter, se construire, se nourrir autour de l'article 22 sur la vie privée et familiale, la protection de la santé, la protection d'un environnement sain, le droit à la vie, par exemple, le droit au recours effectif, tout ça au cours de la négligence illicite de l'État et porté aussi par les principes environnementaux de prévention ou de précaution, et avec aussi finalement un lien de plus en plus évident, on le retrouve très clairement dans ce recours, de cette notion de santé environnementale. Alors, sur la lecture climatique des obligations constitutionnelles, l'exemple le plus intéressant, c'est le recours norvégien qui donnera une décision normalement le 13 novembre prochain. Ce sera intéressant d'ailleurs pour la COP23 d'attendre ce jugement. Le recours norvégien, il a été porté par Greenpeace Nordique et par une association de scouts. Mais il est le fruit d'un travail aussi d'académique, puisque une association s'est montée sur le paragraphe 112 de la Constitution et sur l'idée qu'il fallait donner de l'effectivité à ce paragraphe, paragraphe qui a été, il y a quelques années, inséré dans la partie des droits de l'homme au niveau de la Constitution norvégienne, ce qui montre déjà aussi le lien très intéressant qui se fait sur cet aspect droits de l'homme et environnement. Et c'est finalement pousser le juge norvégien à dire mais quelle effectivité vous donnez à ce paragraphe 112, est-ce que vous en faites une lecture climatique et pas simplement environnementale, et est-ce que vous allez pouvoir y faire découler des obligations étatiques liées au climat. Donc le lien entre climat et effet dans ce recours, le lien entre santé environnementale est également opéré, et puis l'idée de, peut-être ça rejoint la précédente contribution, l'idée de stabilité climatique. Alors il n'y a pas d'équilibre, mais on n'est pas loin. Je te rejoins complètement dans l'idée que tu as portée, et je ferai un pont aussi avec les décisions américaines à ce titre. Alors il y a ensuite au niveau du Pakistan, là aussi une belle lecture des engagements constitutionnels finalement. Là on voit les obligations constitutionnelles combinées avec les principes environnementaux internationaux. Cette décision est assez spectaculaire, tellement elle va loin. Donc c'est un recours d'intérêt public, c'est un recours porté par un agriculteur, citoyen pakistanais, et qui se permet de contester finalement la politique du Pakistan au niveau national, au niveau régional, et surtout sa mise en œuvre pour 2014-2020. Et sur les deux volets, c'est ce qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il dit effectivement, il manque, vous n'assurez pas votre travail en termes de mesures d'atténuation, mais surtout d'adaptation. Et ça, c'est tout à fait intéressant, en mobilisant les effets sur, bien sûr, des changements climatiques, mais sur des autres ressources, par exemple l'eau, sur la sécurité alimentaire, sur l'énergie. Le juge va répondre sur cet aspect-là, je vous en dirai deux mots tout à l'heure. Là, on mobilise l'article 9 de la Constitution et l'article 14 sur la dignité humaine. Et on verra que les États-Unis, le juge américain, fait aussi ce lien très important sur dignité humaine et changement climatique. Ce qui nous amène à faire là encore un début, un essai de typologie, hein, je suis au début, sur finalement toutes ces obligations étatiques qu'on retrouve tant dans les décisions de justice que dans les recours. Hein, je ne m'en tiens pas qu'à celles qui ont été consacrées par les décisions. Ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi la créativité de la société civile dans ces demandes. Donc il y a des obligations de protéger les citoyens d'un dommage avec le recours belge, les générations futures, de protéger les vulnérables. Il y a une obligation de garantir un droit fondamental à un système climatique capable de soutenir la vie humaine aux États-Unis. Un droit à une atmosphère saine pour les générations actuelles et futures. On va assez loin. Un droit à l'amélioration de la qualité de l'environnement. Etc. Ensuite, toute une série d'obligations qu'on connaît davantage, mais qui s'appliquent finalement assez bien à la problématique climatique. Le droit de protéger l'environnement et de prévenir les atteintes, d'éviter les dommages transfrontières, d'appliquer le principe de précaution, l'obligation générale de prudence, d'évaluer, de tenir compte des actions pouvant nuire, hein, ça c'est dans le recours norvégien. Ce serait intéressant de voir si la décision transforme cette idée-là. Voilà pour les premières obligations que l'on peut déduire ou trouver. Alors sur, finalement, l'impact de cet argumentaire, je ferai deux points très rapidement. D'abord, il y a eu des échecs. Hein, les droits de l'homme n'ont pas été retenus par le juge toujours de façon favorable. Et puis, on voit quelques réussites. Avec de l'espoir, malgré Trump, c'est-à-dire que l'argumentaire droits fondamentaux est mobilisé, a été reçu par le juge de l'Oregon plutôt positivement, et qu'on se dirigerait, on va voir, vers un possible procès climatique de l'État fédéral. Donc il y a des échecs sur le plan des droits de l'homme. Il y a la pétition Inuit, devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Il y a des demi-succès avec Urgenda, par exemple, ou le contentieux sur le statut de réfugié ou de visa, et des réussites comme le Pakistan, l'Autriche, l'Afrique du Sud. Et puis pour le potentiel, le fort potentiel, c'est la Norvège, très clairement la fin de l'année. Et puis il faudra suivre notre affaire à tous, bien sûr, la pétition aussi Black Carbone, l'affaire belge, et puis bien sûr l'affaire suisse. Alors sur Urgenda, en effet, les droits de l'homme ont été mobilisés d'abord pour déterminer la qualité de victime. Et là, le juge ne va pas très loin sur l'utilisation de ce droit européen des droits de l'homme sur l'intérêt à agir d'Urgenda, qu'il refuse. Par contre, il va réceptionner les droits de l'homme sur la fabrication de cette obligation de duty of care. Au Pakistan, on a une invocation réussie, sans doute la plus aboutie, puisqu'on on consacre deux types d'obligations qui vont très loin. Celle de consacrer l'obligation d'action étatique transversale, puisqu'on ordonne aux différents ministères de nommer une personnalité responsable des changements climatiques pour faire le lien entre les ministères et mettre en œuvre et suivre la mise en œuvre de la politique climatique. Et ensuite, on a une sorte d'obligation étatique de surveillance, en quelque sorte, puisqu'on va demander à la création d'une commission des changements climatiques. La commission s'est créée. Il y a des représentants du ministère, des ONG, des experts techniques, et tous les mois, ils rendent un rapport au juge qu'on peut trouver sur le site de la Cour de Lahore. Donc, on va assez loin en termes de devoirs ou d'obligations, en tout cas pour la mise en œuvre de la politique. Dernière analyse, c'est le procès climatique contre le gouvernement fédéral américain. Il y a eu effectivement plusieurs tentatives depuis 2011 portées par l'ONG Our Children Trust, et il y a cette ouverture en 2016 où essentiellement l'argumentaire portait sur le droit constitutionnel de la toute dernière génération avec les droits classiques, les droits fondamentaux des États-Unis, droit à la vie, à la liberté, à la propriété. Le concept de dignité et de climat porté par notre collègue Erin Darly, qui commence à rentrer dans le raisonnement du juge, et une sorte de droit constitutionnel à un droit du climat qui émerge, qui était déjà finalement en émergence aussi dans les affaires MOMS, sur les pollutions et les enfants, et l'obligation du public trust, qui là aussi est une invention doctrinale de Joseph Sachs et qui a été étendue ici sur le climat. Donc on verra ce qu'il en est, et je conclue. Ce qu'on peut constater, c'est d'abord des effets d'influence, de circulation entre ces décisions, petites mais ça démarre, des citations par exemple de l'affaire d'Urgenda dans les argumentaires des recours. Notamment l'action norvégienne cite la base de données du Sabine, la décision Urgenda, cite le travail des rapporteurs spéciaux, des comités quasi-juridictionnels des droits de l'homme. Donc on a des circulations intéressantes. Et dans la décision américaine, on cite aussi, le juge cite l'affaire d'Urgenda, pardon. On rentre aussi par des techniques classiques pour aller revisiter les obligations, le public trust, le duty of care, les obligations de diligence. Et puis d'autres arguments, beaucoup plus originaux, sont en train d'arriver avec le sorte de droit à l'habitabilité, le droit à un climat sain ou équilibré, ça pourrait être une bonne idée en France, en tout cas à développer, ou le désir aussi de rendre effectifs ces concepts autour des variantes constitutionnelles. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a aucune référence au préambule de l'accord de Paris. Dans le recours norvégien, il y a une référence, mais il n'y a pas du coup dans les décisions de référence encore, c'est trop tôt. On verra si le prochain contentieux établira des connexions avec l'accord de Paris. Je vous remercie.